précieux. Du schiste au fond d'un fond de creux qui s'empêche de peser. Prisonnier de ce qui est le palier, c'est tes barreaux sans dossier. Et tu peux t'en tirer. Tout ce vent ondulé, ta prison est en toi. Le poison est en toi. Et dans tes yeux, l'espoir allume un feu tout noir. Hey! Tout noir. Alors reste là et attends-moi. Bien que c'est le moment. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Je sais que tu es un homme, maintenant tu fais.